Si vous ne connaissez pas le solfège, vous pouvez apprendre les tablatures de guitare avec le Tux Guitar. Il s'agit de ne pas s'ennuyer avec un même instrument. Voici Giga pour violon de basse vers la guitare. Thank you.

Thank you. C'était Passion Classique avec Mathieu Giroux.